En signe de soutien au communiqué du Comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, le Comité préparatoire africain a publié un appel. Voici le résumé. Cette année marque le 105e anniversaire de naissance de Son Excellence le Président Kim Il-sung et le 75e anniversaire de naissance de Son Excellence Kim Jong-il, qui ont consacré tout pour la prospérité de la Corée socialiste et la réalisation de l'œuvre d'émancipation du monde, et le 5e anniversaire de la promotion de Son Excellence Kim Jong-un, dirigeant suprême du peuple coréen, qui continue les idées et œuvres des leaders précédents à la magistrature du parti et de l'État coréen. Toutes les formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen et les personnalités progressistes en Afrique sont invitées à participer activement aux activités pour construire une stèle en l'honneur des grands hommes Pectosan.